Continue comme ça, on va se flamber. Je vois déjà mon cœur de charbon qui part en flamme. Il suffit d'une étincelle pour faire un brasier. Je sais que tu fonds pour moi, vu que j'entends pas un pont. Si on continue comme ça, on va se flamber. Je vois déjà mon cœur de charbon qui part en flamme. Il suffit d'une étincelle pour faire un brasier. Je sais que tu fonds pour moi, vu que j'entends pas un pont. Mes rêves ne rentrent plus dans mon gilet. La bonbonne est vite, faut que je fasse des synthètes. J'ai l'ordre d'une go tranquille, mon gars, t'inquiète. Le jour où j'ai ton pin, je commence l'enquête. Ne crois surtout pas que c'est un signe de faiblesse. Je suis en vérité qui veut vraiment l'être. Je préfère me retrouver seul que de me perdre. Ça aurait pu être demande à mes ancêtres. Tu penses qu'à ton shopping et à ton gel. C'est en shooting que tu fais la belle. Elle veut connaître mon pin, mademoiselle. Ta copine te monte la tête, j'en suis sûr que c'est elle. Et vas-y, n'écoute pas toutes ces mauvaises rumeurs. Avec toi, je pilote ma vie, je suis debout sur le runner. Je suis pas du genre à faire le gros, me faire flancher dans le mur. S'il faut, je finis célib, s'il faut, avec toi, je meurs. Si on continue comme ça, on va se flamber. Je vois déjà mon cœur de charbon qui part en flamme. Il suffit d'une étincelle pour faire un brasier. Je sais que tu fonds pour moi, vu que j'entends pas un pont. Si on continue comme ça, on va se flamber. Je vois déjà mon cœur de charbon qui part en flamme. Il suffit d'une étincelle pour faire un brasier. Je sais que tu fonds pour moi vu que j'entends pas un pont. Pas un pont. Pas un pont. Pas un pont. Je sais que tu fonds pour moi vu que j'entends pas un pont. Pas un pont. Pas un pont. Pas un pont. Je sais que tu fonds pour moi vu que j'entends pas un pont. Non, laisse-moi sur mon trajet. Tu veux qu'on parle de nous, mais où as-tu vu une gare splashée? Oh non, non, non, laisse-moi sur mon trajet. Tu veux qu'on parle de nous, mais où as-tu vu une gare splashée? Ouh, sans précaucement, s'il vous plaît, réveillez-moi. Ouh, j'aime ton corps, j'aime ses yeux, j'aime sa voix. Cauchemar, s'il vous plaît, réveillez-moi. J'aime ton corps, j'aime tes yeux, j'aime sa voix. Si on continue comme ça, on va se flamber. Je vois déjà mon cœur de charbon qui part en flamme. Il suffit d'une étincelle pour faire un brasier. Je sais que tu fonds pour moi vu que j'entends pas un pont. Si on continue comme ça, on va se flamber. Je vois déjà mon cœur de charbon qui part en flamme. Il suffit d'une étincelle pour faire un brasier. Je sais que tu fonds pour moi vu que j'entends pas un pont. Pas un pont. Je sais que tu fonds pour moi vu que j'entends pas un pont. Pas un pont. Pas un pont. Pas un pont. Je sais que tu fonds pour moi vu que j'entends pas un pont. Y'a rien, je sers, franchement, j'suis peiné. Ah ouais, je sers, franchement, j'suis peiné. Y'a rien à faire, à part résumer. Y'a rien à faire, à part résumer. J'pars avec toi où j'finis saigné. Si tu me lâches, fais des dénis. J'ai mis mon cœur en semi. Je me rappelle quand je finissais. Si tu me laisses, je fais des délits. J'ai mis mon corps en semi.